pas de paix sans justice. No justice, no peace, pas de paix sans justice. Faut que les nôtres s'unissent et punissent ce système qui nous mène vers le précipice. Les innocents font les frais quand Iblis dessine son esquisse. Esquisse pose vraiment la question, mais des gosses en cage quand l'école blinde est en défense. Comme mes frères qui se défoncent, chez moi le mal est constant. Chacun l'absorbe comme une éponge et moi dans tout ça, trois fois le quart plat. Parce que tu taxes le mauvais gars, la police chez moi a créé des dégâts. Comme mon marada, t'y crois plus, elle a une boîte 6 et un putain de bleu blanc rouge dans le cul. C'est la justice qui pousse mes frères au crime, qui fait des victimes en terre de Palestine, frère. C'est la justice qui pousse au suicide et les politiques fabriquent des putains d'enragés dans ma tête. C'est la justice qui nous enferme sous les barreaux, shootés sur le carrosse, il faut de la maille. C'est la justice, c'est l'injustice qui pousse mes raps à chaque jour à la source. C'est la justice. Négro, ça part en couille dehors, c'est l'injustice. Faut que la justice de France qui nous a mis les fers au pied. Des garanties pour stopper ma horde, bloquer ma force et lancer la corde. Pour qu'on s'y fasse, c'est injuste, c'est tout. La police bavure rime avec des coups. Un coup, la justice nique sa mère. Regarde nos frères mimer leur vie depuis le parloir. La justice est blanche comme une arme, tranche comme une lame, injuste comme la famine. Te laisse pour mort sur un matelas, ton fer, mon cadenas te frappe par surprise comme un attentat, frère. La vie est injuste pour les pauvres, c'est la loi du plus fort, mon gain toujours à la paume. Mais gros, c'est la guerre, la paix en otage, la police est toujours derrière et c'est l'injustice, frère. C'est la justice qui pousse mes frères au crime, qui fait des victimes en terre de Palestine, frère. C'est la justice qui pousse au suicide et les politiques fabriquent des putains d'enragés dans ma tête. C'est la justice qui nous enferme sous les barreaux, chutelés sur le carrosse, il faut de la maille. C'est l'injustice qui pousse mes raps à chaque jour à la source. C'est la justice. Bienvenue dans le monde de la justice consulaire avec monsieur le procureur qui mange du fric sur ton affaire. Injustice. Comme les ratonnades de la police. Injustice. Comme les yeux fermés des juges complices. Injustice. Pour Nordine mort au placard. Injustice. Pour Abdelkrim mort au mitard. Injustice. Trop de nos frères meurent dans le noir. Injustice. Personne n'en parlera au journal ce soir. Injustice. C'est pour les ministres et les stars. Injustice. Très dans le rue, nos avenues, nos boulevards. On les journalistes peu bavards sur les bavures et publient des premières pages de Bandussard. La justice est odorante, elle pue le pot de val, a une putain d'influence, plus elle pèse, plus elle vaut rien. Ce doit être symbolique, mais je ne vois en elle qu'une menace avec sur ma tempe un brolique. C'est la justice. C'est la justice. C'est la justice qui pousse mes frères au crime, qui fait des victimes en terre de Palestine, frère. C'est la justice qui pousse au suicide et les politiques fabriquent des putains d'enragés dans ma tête. C'est la justice qui nous enferme sous les barreaux, chutelés sur le carrosse, il faut de la maille. C'est la justice, c'est l'injustice qui pousse mes raps à chaque jour à la source. C'est la justice, c'est la justice qui pousse mes frères au crime, qui fait des victimes en terre de Palestine, frère. C'est la justice qui pousse au suicide et les politiques fabriquent des putains d'enragés dans ma tête. C'est la justice qui nous enferme sous les barreaux, chutelés sur le carrosse, il faut de la maille. C'est la justice, c'est l'injustice qui pousse mes raps à chaque jour à la source. C'est la justice.